On commence à dégager, à connaître ce qu'on aime, on tâche à se le procurer, fût-ce au prix d'un artifice. Alors, à défaut de la croyance disparue, le costume signifie la suppléance à celle-ci par le moyen d'une illusion volontaire. Je savais bien qu'à une demi-heure de la maison, je ne trouverais pas la Bretagne. Mais en me promenant enlacé à Madame de Stermaria, dans les ténèbres de l'île, au bord de l'eau, je ferai comme d'autres qui, ne pouvant pénétrer dans un couvent, du moins avant de posséder une femme, l'habillent en religieuse. L'autre jour, je rencontrais un vieux copain qui m'a dit « Alors, je pars, j'en ai marre de Londres et de tout, qui se passe ici ?» Pour gagner beaucoup de fric. Alors, salut Steve, à bientôt. Allô, LA. Aventuriste, où je voudrais oublier toutes mes idées existentialistes. Comme c'est triste, comme c'est chouette, non? Comme la moustache a poussé longue. La moustache bourgeoise capitaliste ne pousse plus. Peut-être elle poussera plus grosse. I got it in for you, I'm gonna let it show. Je pouvais même espérer d'écouter avec la jeune femme quelques clapotis de vagues, car la veille du dîner, une tempête se déchaîna. Je commençais à me raser pour aller dans l'île, retenir le cabinet, bien qu'à cette époque de l'année, l'île fût vide et le restaurant désert, et arrêter le menu pour le dîner du lendemain, quand Françoise m'annonça Albertine. We'll be right back. Je fis entrer aussitôt, indifférent à ce qu'elle me vit en lady d'un menton noir, celle pour qui à Balbec je ne me trouvais jamais assez beau et qui m'avait coûté alors autant d'agitation et de peine que maintenant Madame de Stermaria. Je tenais à ce que celle-ci reçût la meilleure impression possible de la soirée du lendemain. Aussi, je demandais à Albertine de m'accompagner tout de suite jusqu'à Lille pour m'aider à faire le menu. Celle à qui on donne tout est si vite remplacée par une autre qu'on est étonné soi-même de donner ce qu'on a de nouveau à chaque heure sans espoir d'avenir. À ma proposition, le visage souriant et rose d'Albertine, sous un toquet plat qui descendait très bas jusqu'aux yeux, sembla hésiter. Elle devait avoir d'autres projets. En tout cas, elle me les sacrifia aisément à ma grande satisfaction, car j'attachais beaucoup d'importance à voir avec moi une jeune ménagère qui saurait bien mieux commander le dîner que moi. Yeah. got back today. Everybody's got something to say. How did it go and where have you gone? Ooh, come on, come on. Well, it's not that great, it's not that fun. It's a bunch of bullshit that didn't really jump. It's not the life for everyone. Ooh, I heard they got back from you. Everybody's got nothing to do. I wanna play rock, nobody's home. Ooh, come on, come on. Well, it's not that great, it's not that fun. It's just a bunch of bullshit that didn't really jump. Back today, everybody's got something to say. I wanna play rock, nobody's home. Ooh, come on, come on. Well, it's not that great, it's not that fun. It's just a bunch of punk kids acting really dumb. It's not the life for anyone. C'est là où ça marche pas du tout non plus comme le droit d'auteur. Quand on crée une musique, un film, un roman, on a automatiquement le droit d'auteur. On n'a pas besoin de faire de procédure, de dépôt, d'enregistrement, quoi que ce soit, on l'a automatiquement. Pour avoir un titulaire d'une marque, il faut faire un dépôt auprès de l'INPI. Et là, il y a un processus de vérification qui est fait par cet institut qui va regarder si c'est recevable ou pas. Et donc là, on va le voir dans les semaines prochaines, il va sûrement y avoir une décision en fait, de l'INPI pour savoir s'ils vont accepter ou pas ces marques.

We'll be right back. Oui. Comment ça marche ? La marque, en fait, c'est un signe distinctif qui permet d'identifier un produit. Et donc, du coup, le droit de marque, il est segmenté en classes. D'accord. Et quand on enregistre une marque, il faut qu'on choisisse un certain nombre de classes, de produits, pour lesquels on va demander l'exclusivité de l'usage du terme. Et bon, par exemple, je vous donne un exemple. Hein, y a les stylos Montblanc et il y a la crème Montblanc. Les deux ont une marque qui porte sur le même terme, mais chacun l'ont déposé dans une classe différente. Et donc, voilà, ils ont réservé l'usage dans un domaine donné. My records collection today, and from the A to Z alphabetical order, I can say I'm really proud of it. Years after years and many lost money, I can say I'm really proud of it. Now it's time to read the speaking notes for you. Fonzie, some names. EAG, Suicide, The Residence, Todd, Eagle, Birthday Party, Liquid Liquid, Gypsy Domon, Alapho, Two Young Swift Men, White Billy Shadish Monks of Fall, Gunther, Strobing Bristle, Camp. This is the freelance, the old student of school was vaccinated. Produced by Andrew Griswold, Martin Arnett, Adrian Sherrod, Lee Perry, Craig Leon, Jay Dietrich, Brian Eno, Martin Richard, Mike Hedges, Danny Hyde, King Derby, and Miller. This is a fearless old school nuts heroes. Inside is a lie, Linda Sterling, Nearby Brody, Peter Sandel, the designer, Republic Bazooka, Barney Burgos, Peter Christopherson, Steve Stepperton, as a Lagos. Heroes. Old terrible job this list. The old Steve Nuts, he was a very boy of this list. The old Steve Nuts, he was. Il y a, alors, ce qu'il va falloir voir en fait, c'est quelle va être la réaction de l'INPI. Parce que au moment des dépôts Je suis Charlie et Je suis Paris, l'INPI avait eu une réaction assez saine qui était de refuser les enregistrements. Et son raisonnement était vraiment intéressant, ce qu'il disait, pour que la marque soit valide, il faut qu'elle ait le pouvoir de distinguer des produits dans l'esprit des consommateurs. Donc il faut qu'elle ait un effet distinctif, quoi. What is reality? It isn't spiritual. That's also an idea.